Chapitre 8e. Charity avait tellement perdu la notion du temps passé sous la fenêtre de Harney qu'elle ne se rendit compte de l'heure tardive que lorsqu'elle fut dans la rue. Quand elle quitta l'ombre épaisse des sapins, toutes les fenêtres situées entre la demeure de Miss Hatchard et la maison royale étaient sans lumière. Elle crut pourtant deviner du côté de l'étang des canards deux formes dans la nuit. Elle se rejeta vivement en arrière et attendit. Rien ne bougea. Elle avait si longtemps tenu les yeux fixés sur la chambre éclairée que l'obscurité la troublait, et elle pensa qu'elle avait dû se tromper. Elle continua son chemin, se demandant si Mr. Royal était encore sur le perron. Dans l'état d'excitation fébrile où elle se trouvait, il était assez indifférent qu'il l'attendît ou qu'il ne l'attendît pas. Elle se sentait planer au-dessus de la vie sur un grand nuage d'angoisse, du haut duquel les réalités de chaque jour ne paraissaient guère plus que de petits points dans l'espace. Le perron était vide, le chapeau de Mr. Royal pendait à la patère dans le vestibule, et la lampe de cuisine brûlait en attendant Charity. Elle la prit et monta se coucher. Le lendemain, les heures de la matinée s'écoulèrent mornes et sans incident. Charity s'était imaginé que, d'une façon ou d'une autre, elle apprendrait le départ de Harney. Mais Verena, qu'isolait sa surdité, ne pouvait rien lui apprendre, et nul visiteur ne se présenta pour l'éclairer à ce sujet. Mr. Royal sortit de bonne heure, comme d'habitude, et ne revint pas avant que Verena eût dressé la table pour le repas de midi. Quand il entra, il alla droit à la cuisine et cria à la vieille « Allons, à table !» Dans la salle à manger, Charity était déjà assise à sa place habituelle, en face du couvert de Harney. Mr. Royal n'ayant fait aucune allusion à l'absence du jeune homme, Charity ne demanda aucune explication. L'exaltation fiévreuse de la nuit précédente était tombée. La jeune fille se disait que Harney était parti, avec indifférence, presque brutalement, et que maintenant, sa vie à elle retomberait de nouveau dans l'étroite tournière d'où, une heure, il l'avait sortie. Elle se disait surtout, et avec une ironie amère, qu'une autre, plus hardie, n'aurait pas hésité à user de ses talents pour le garder. Elle resta à table jusqu'à la fin du repas, afin de ne pas donner à Mr. Royal le prétexte d'une remarque. Mais quand il se leva, elle se leva également, laissant Verena desservir toute seule. Elle avait déjà gagné l'escalier quand Mr. Royal l'interpella. « J'ai la migraine, dit-elle. Je monte me coucher. Un moment, je vous prie. J'ai quelque chose à vous dire. » Elle devina qu'elle allait enfin être fixée. Tous ses nerfs se tendaient. En entrant dans le bureau, elle fit un dernier effort pour paraître indifférente. Mr. Royal se tenait debout au milieu de la pièce, ses épais sourcils hérissés, sa mâchoire inférieure agitée d'un léger tremblement. D'abord, elle pensa qu'il avait bu, mais elle voyait qu'il était de sang-froid et en proie à une profonde et âpre émotion qui ne ressemblait en rien à ses accès de colère habituels. Tout à coup, elle comprit que jusqu'alors, elle ne l'avait jamais vraiment regardé, que jamais elle ne lui avait donné une pensée, et que, sauf le jour où il avait voulu forcer la porte de sa chambre, il n'avait représenté à ses yeux que la personne qui est toujours là, fait central et incontesté de la vie, aussi inévitable, mais aussi dépourvu d'intérêt que le village même où ils habitaient. Mais alors, elle n'avait envisagé son tuteur que par rapport à elle-même, et ne s'était jamais demandé quel sentiment il pouvait éprouver vis-à-vis d'elle. Elle se bornait instinctivement à conclure qu'il la laisserait tranquille à l'avenir. Pour la première fois, Mr. Royal se dressait devant elle comme une réalité avec laquelle il fallait compter. Les deux mains appuyées sur le dossier de sa chaise, il la dévisageait. Finalement, il dit « Voyons, Charity, si nous causions une fois comme deux amis. » Tout de suite, elle eut l'impression que quelque chose qu'elle ignorait s'était passé, et qu'elle était désormais en son pouvoir. Elle voulut se débattre, et jeta brusquement, sans savoir ce qu'elle disait. « Oui, Mr. Harney, pourquoi n'est-il pas revenu? L'avez-vous renvoyé ?» La décomposition des traits de Mr. Royal l'effraya. Il devint subitement exsangue, et les rides qui creusaient sa face basanée s'enfoncèrent et parurent presque noires. N'a-t-il pas eu le temps de répondre à quelques-unes de ces questions la nuit dernière ? « Vous avez été assez longtemps ensemble, » répondit-il. Charity demeura sans voix. Sa pensée était si loin qu'elle dut faire effort pour comprendre la portée de l'accusation, mais l'instinct de défense s'était déjà éveillé en elle. « Qui donc a dit que nous étions ensemble hier au soir ?»« À l'heure qu'il est, tout le monde le dit. Alors c'est vous qui leur avez mis ce mensonge dans la bouche. » Et d'un coup, avec un subit éclat de fureur, elle s'écria « Oh, comme je vous ai toujours haï !» Elle attendait une réplique sur le même ton, mais son exclamation tomba dans le silence. « Je le sais, » répliqua Mr. Royal lentement, mais ce n'est pas cela qui avancera beaucoup les choses. En tout cas, cela me permet de n'attacher aucune importance aux mensonges qu'il vous plaît de débiter sur moi. Si mensonges il y a, ce ne sont pas les miens. J'en jure sur la Bible, Charity. Je ne savais même pas où vous étiez. Je ne suis pas sorti de cette maison hier soir. » Voyant qu'elle ne répondait rien, il reprit. « Est-ce un mensonge d'avancer quand on vous a vu sortir de chez Miss Hatchard à minuit passé ?» Elle se raidit dans un rire, toute sardie et s'insolente revenue. « Je n'ai pas songé à regarder l'heure. »« Malheureuse, malheureuse !» « Vous, mon Dieu, pourquoi me l'avez-vous dit ? » éclata-t-il en tombant sur sa chaise, la tête penchée sur la poitrine comme celle d'un vieillard. Mais Charity avait repris possession d'elle-même, avec cette fois le sentiment du danger. « Pensez-vous que je prendrai la peine de vous mentir ? Qui êtes-vous, après tout, pour me demander où je vais quand je sors ?» Mr. Royal releva la tête. Son visage avait repris son expression calme, presque douce. L'expression que Charity se souvenait lui avoir vue parfois quand elle était petite fille du vivant de Mrs. Royal. « Je vous en prie, Charity, » dit-il doucement, « ne continuons pas sur ce ton. Cela ne nous servira à rien, ni à l'un ni à l'autre. On vous a vu entrer dans la maison de cet homme. On vous a vu en sortir. Je sentais cela arriver. J'espérais intervenir à temps. Dieu m'est témoin que... » Elle l'interrompit, le cinglant de son mépris. « Ah, c'était donc vous. Je savais bien que c'était vous qui l'aviez renvoyé. » Il la regarda d'un air surpris. « Ne vous l'a-t-il pas dit ? Je croyais qu'il avait compris. » Il continua à parler lentement, avec des arrêts pénibles. « Je ne vous ai pas nommé. Je me serais plutôt coupé la main. » Je lui ai dit tout simplement que je ne pouvais pas me passer du cheval plus longtemps, et que Verena avait trop à faire avec la cuisine. Ce n'est sans doute pas la première fois que pareille aventure lui arrive. En tous les cas, il parut prendre la chose en douceur. Il m'a dit qu'il avait à peu près terminé ce qu'il était venu faire. Il n'y a pas eu un mot de plus entre nous. S'il vous a dit autre chose, il vous a menti. Charity l'écoutait en proie à un accès de rage froide. Elle se moquait bien des potins du village, mais assistait à l'anéantissement de tous ses rêves, froissés par une main brutale. Je vous ai dit que je ne lui avais pas parlé. Nous n'avons pas été ensemble cette nuit. Surpris, Mr. Royal la regarda. Vous n'avez pas été ensemble cette nuit. Non. Ce n'est pas que je me soucie de ce que vous pouvez dire, vous autres. Mais aussi bien, pourquoi ne sauriez-vous pas la vérité ? Nos relations ne sont pas ce que vous pensez, vous et les vilaines gens d'ici. Il était bon pour moi, c'était mon ami, voilà tout. Tout d'un coup, il a cessé de venir, et j'ai bien deviné que vous en étiez la cause, vous ! S'écria-t-elle, avec toute la rancune irritée que le passé avait accumulée en elle. Et elle continua. Si bien que je suis allée chez lui hier soir pour lui demander ce que vous lui aviez dit. Mr. Royal poussa un soupir de soulagement. Mais alors, si vous ne l'avez pas trouvé chez lui, pourquoi êtes-vous restée si longtemps absente ? Charité de grâce, répondez-moi. Comprenez donc que j'ai besoin de savoir pour les faire taire. » Charity ne s'émut pas. Cette soudaine abdication de toute autorité sur elle la laissait indifférente. Elle ne sentit que l'outrage de son intervention. « Ne voyez-vous donc pas que je me moque de ce que l'on dit de moi ?»« Oui, c'est vrai. J'étais sorti pour le voir. Et je l'ai vu de loin. Il était dans sa chambre. Mais je n'ai pas osé entrer. Je suis resté dehors tout le temps à le guetter. Mais je ne voulais pas qu'il crût que je courais après lui. » Elle sentit que la voix lui manquait et se ressaisit dans un dernier élan de défi. « Aussi longtemps que je vivrai, je ne vous pardonnerai pas, je ne vous pardonnerai jamais !» Mr. Royal ne répondit pas. Il demeura assis, la tête penchée, absorbé dans ses pensées. Ses mains aux veines saillantes étreignaient les bras de son fauteuil. L'âge semblait être tombé sur lui comme l'hiver descend sur les collines après les premières pluies d'automne. Enfin il releva la tête. Vous dites que vous vous moquez de ce que l'on dit de vous. Mais vous êtes la fille la plus fière que je connaisse, et la dernière, partant, à admettre que l'on vous critique. Or, vous savez bien qu'il y aura toujours des jaloux pour vos épier. Vous êtes la plus jolie et la plus fine jeune fille du village, et cela suffit à déchaîner toutes les mauvaises langues contre vous. Jusqu'à ces derniers temps, vous n'aviez jamais fourni de prétexte à la médisance, pas plus qu'au bavardage. Ce prétexte, on le possède maintenant et l'on s'en servira. « Moi, je crois ce que vous me dites, mais les autres, vous savez bien qu'ils ne le croiront pas. C'est Mrs. Tomfrey qui vous avait rentré chez Harney. Deux ou trois autres mauvaises langues étaient là, guettaient votre sortie. Songez donc, vous avez passé des journées entières avec ce garçon depuis qu'il est ici. Je suis homme de loi, et je sais là ce qu'on vient la calomnie à la vie dure. » Il s'arrêta, mais Charity demeura immobile, ne donnant aucun signe d'acquiescement, ni même d'attention. « C'était un garçon bien sympathique. » continua Mr. Royal, « Moi-même, j'avais plaisir à causer avec lui. Les jeunes gens d'ici n'ont pas eu sa chance. Mais il y a une vérité vieille comme le monde, c'est que lorsqu'un jeune homme a envie d'épouser une jeune fille, il trouve toujours moyen de le lui dire. Charité ne répondit pas. Rien ne pouvait lui être plus douloureux et plus humiliant que d'entendre de telles paroles sortir de cette bouche. Mr. Royal se leva. « Écoutez-moi, Charity. J'ai eu autrefois une mauvaise pensée, et vous me l'avez fait payer cher. Ce compte n'est-il pas réglé? Il y a en moi quelque chose dont je ne suis pas toujours maître. Mais sauf cette fois-là, j'ai toujours agi loyalement avec vous, et vous l'avez toujours su. Vous saviez que vous n'aviez rien à craindre de moi. Malgré tous vos mépris et toutes vos railleries, vous avez toujours su que je vous aimais comme un homme aime une femme honnête. Il est vrai que je suis beaucoup plus âgé que vous. Mais je dépasse de plusieurs coudées ce village et ses habitants, et cela, vous le savez aussi. J'ai gâché ma vie, il y a de longues années, mais il n'est peut-être pas trop tard pour la refaire. Si vous consentez à m'épouser, nous partirons d'ici pour aller nous établir dans une grande ville où l'on se débrouille toujours. Il n'est pas trop tard pour trouver un débouché. Je vois cela à la façon dont on m'accueille quand je vais à Hepburn ou à Nettleton pour plaider ou pour m'occuper d'affaires. » Charity ne bougea pas. Rien dans cet appel n'atteignait son cœur, il ne pensait qu'à trouver des répliques blessantes et flétrissantes. À l'entendre, une lassitude de plus en plus grande la gagnait. Que pouvait-il dire qui eût la moindre importance? Elle voyait l'ancienne vie se refermer sur elle, et ne daignait pas même s'arrêter à la vision qu'il évoquait d'un avenir chimérique. « Charity, Charity, dites que vous consentez, dites !» Elle entendit passer dans la voix de Mr. Royal toute la fièvre de ses années perdues, et de sa passion vainement prodiguée. « À quoi sert tout ceci? Quand je m'en irai d'ici, ce ne sera pas avec vous » dit-elle brutalement. Tout en parlant, elle se dirigeait vers la porte, mais elle le trouva devant elle, lui barrant le chemin. Il semblait soudainement grandi et fort, comme si l'extrémité de son humiliation lui avait donné une vigueur nouvelle. « Ainsi, c'est tout ce que vous avez à me dire? C'est peu. » Il s'était adossé au chambranle de la porte, si imposant et si puissant qu'il semblait remplir à lui seul la pièce étroite. « Eh bien oui, vous avez raison, je n'ai aucun droit sur vous. Pourquoi songeriez-vous à un homme fini comme moi? Vous voulez l'autre, je ne vous en blâme pas. Vous avez jeté votre dévolu sur ce qu'il y avait de mieux, dès que l'occasion s'est présentée. C'est toujours comme cela que j'ai procédé moi-même. » Il la fixait de ses yeux pénétrants, et elle eut le sentiment que la lutte était en lui à son point extrême. « Voulez-vous qu'il vous épouse ? » demanda-t-il brusquement. Ils se regardèrent un long moment dans les yeux, avec cette tragique égalité de courage qui donnait parfois à Charity le sentiment qu'ils étaient du même sang. « Répondez, voulez-vous qu'il vous épouse ? Il peut être ici dans une heure si vous le désirez. Ce n'est pas pour rien que je suis homme de loi depuis 30 ans. Il a loué la voiture de Carrick Fry pour se faire conduire à Hepburn, mais il ne peut pas partir avant 1 heure. Et je puis lui présenter les choses de telle manière qu'il ne soit pas long à se décider. C'est un faible, au fond, et j'en ferai ce que je voudrais. Je ne dis pas que vous ne le regretterez pas plus tard, mais, par Dieu, vous l'épouserez si vous le voulez, et je vous y aiderai. » Elle l'écoutait en silence. Tout ce qu'il sentait et tout ce qu'il disait lui demeurait si lointain que nulle saillie méprisante n'aurait pu la soulager. Tout en l'écoutant, le souvenir des souliers boueux de l'Effaillade écrasant les fleurs blanches de la ronce lui traversa l'esprit. Pareille aventure lui était arrivée. En elle, quelque chose avait fleuri, quelque chose d'éphémère mais d'exquis, quelque chose qu'elle avait dû voir piétiner sous ses yeux. Et tandis que cette pensée l'emplissait, elle apercevait Mr. Royal devant elle, toujours appuyé contre le chambranle de la porte, mais abattu, diminué, comme si le silence de la jeune fille était la réponse qu'il redouta le plus. « Je ne veux rien de ce que vous pouvez m'offrir, » dit-elle froidement. « Je suis contente qu'il s'en aille. » Mr. Royal resta encore un moment immobile, la main sur le bouton de la porte. « Charity, » dit-il d'un ton suppliant. Elle ne répondit pas, et il tourna alors le bouton et sortit. Elle l'entendit soulever le loquet de la porte d'entrée et le vit descendre les marches du perron. Il traversa le jardin, la taille penchée, la démarche lourde, et elle le vit s'éloigner lentement le long de la route. Elle demeura quelque temps à la même place, toute tremblante encore d'humiliation. Les dernières paroles de Mr. Royal résonnaient si fort à ses oreilles qu'il lui semblait que l'écho devait s'en propager dans tout le village, la proclamant une créature capable de se prêter aux plus viles suggestions. Sa honte l'écrasait comme une oppression physique. Le plafond et les murs lui faisaient l'effet de se refermer sur elle, et elle fut brusquement saisie par le désir d'être dehors, très loin, là où elle pourrait respirer. Comme elle allait atteindre la porte d'entrée, Lucius Harney l'ouvrit. Il avait l'air plus grave et moins assuré que d'habitude. Pendant un moment, ils se regardèrent sans parler. Machinalement, il lui tendit la main. « Est-ce que vous sortiez ? » demanda-t-il. « Puis-je rentrer ?» Le cœur de la jeune fille battait si violemment qu'elle eut peur de parler. Elle le regardait, les yeux dilatés, prête à pleurer. Puis il sentit que son silence pouvait la trahir, et très vite elle dit « Oui, entrez !» Elle le conduisit dans la salle à manger, et là ils s'assirent en face l'un de l'autre. La table sur laquelle traînait encore l'huilier et la corbeille à pain en fer blanc laqué les séparaient. Arne avait déposé son chapeau de paille, et comme il était assis en face d'elle, dans ce léger veston d'été, une cravate marron nouée sous son col de flanelle, ses cheveux lisses et bruns rejetés en arrière, elle se le représenta comme elle l'avait vu la nuit précédente, couché sur son lit, les cheveux épars tombant sur ses yeux, sa gorge nue sortant de sa chemise déboutonnée. Il ne lui avait jamais semblé si loin d'elle qu'au moment où cette vision passa dans son esprit. Brusquement, il parla. « Je suis si peiné que ce soit un adieu. Vous savez sans doute que je pars, » dit-il d'un air embarrassé. Elle devina qu'il se demandait jusqu'à quel point elle était renseignée sur les raisons de son départ. « Sans doute, vous avez terminé votre travail plus tôt que vous ne l'espériez, » dit-elle très bas. « Oui, en effet. Ou plutôt non. Il y a beaucoup de maisons que j'eusse aimé dessiner. Mais mon congé est limité, et puisque Mr. Royal a besoin de son cheval, il me serait difficile, si je restais ici, de trouver un moyen de locomotion. « Il n'y a pas beaucoup d'attelages à louer par ici, en effet, » dit-elle. Il y eut un autre silence. « J'ai passé ici des journées bien agréables. Je voulais vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait. » Continua-t-il, une légère rougeur sur le front. Charity ne trouva aucune réponse. Il continua. « Vous avez été tellement bonne pour moi. Je voulais vous le dire. Je voudrais vous voir plus heureuse, moins isolée. Sans doute, un de ces jours, il se fera un changement dans votre vie. » Elle répondit. « Rien ne change à Northdormore. Personne ne s'y attend du reste. » Sa réponse coupait court aux consolations banales que le jeune homme allait débiter. Il resta muet, la regardant d'un air indécis, puis il dit avec son doux sourire « Cela ne sera pas vrai pour vous. Non, cela ne peut l'être. » Le sourire de Harney fut comme un coup de couteau dans le cœur de Charity. Elle sentit les larmes monter et se leva. « Au revoir, » dit-elle. Sur le seuil de la porte, il s'arrêta un instant. « Vous direz au revoir pour moi à Verena. » Elle entendit qu'il traversait le vestibule et fermait la porte extérieure. Elle perçut le grincement des cailloux du jardin sous ses pas rapides et le cliquetis de la grille qui se refermait derrière lui. Le lendemain matin, quand elle se leva après une nuit d'insomnie, l'aube froide éclairait ses vitres. Elle se pencha dehors et perçut un petit garçon au visage couvert de taches de rousseur qui se tenait de l'autre côté de la route et qui levait les yeux vers elle. C'était le fils d'un fermier qui habitait à quelques kilomètres de là, sur la route de Creston. Il se demandait ce qu'il pouvait bien faire là, à cette heure matinale, et pourquoi il la regardait si obstinément. Quand l'enfant la vit, il traversa la route et vint d'un air indifférent s'appuyer contre la grille du jardin. Après un instant d'hésitation, personne ne bougeant dans la maison, elle jeta un châle sur sa chemise de nuit, descendit l'escalier et sortit. Lorsqu'elle atteignit la grille, le gamin s'en allait déjà sur la route en sifflant. Mais elle vit qu'une lettre avait été glissée entre les barreaux de bois de la grille. Elle la prit et remonta vivement dans sa chambre. L'enveloppe portait son nom. Charity la décacheta et trouva quelques mots griffonnés à la hâte sur un feuillet arraché d'un carnet. « Je ne puis pas vous quitter ainsi. Je reste quelques jours à Creston River. Voulez-vous venir à ma rencontre à l'étang de Creston? Je vous y attendrai jusqu'à ce soir.